Bonsoir, on est aujourd'hui le 7 mai 2014, le 7 Iyar 5774. Ce soir, ça va être le cours de la paracha sur la parachat Béar, avec le Rav Maïmon Pito en direct de MTC Montréal, pour la Elunishma de Raouzali Baturida et de la Rifoshima de Yael Batrozali et de Nissim Ben Aviva. Hachem, ce cours est donné en français tous les mardis soirs à 20h. Alors bonne soirée et bonne écoute. On est en train de parler de Sfirat HaOmer. Au dernier cours, on n'avait pas vraiment le temps de tout finir. Mais puisque c'est une question assez intéressante et c'est très applicable aujourd'hui puisqu'on se trouve dans le temps de Sfirat HaOmer, on sait très bien que la plupart des coutumes maintenant qu'on a comme de deuil, ils viennent à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva. On avait parlé de ça la semaine passée. On avait demandé comment est-ce que ça se fait qu'il y a 24 000 élèves, des étudiants de Rabbi Akiva, sont morts en une seule journée. Ça veut dire pas une seule journée, mais une seule époque. On avait du temps de Pessah, après Pessah, jusqu'au 33e jour, selon certaines opinions, jusqu'au 34e jour. C'est pour ça d'ailleurs vient la différence des coutumes Ashkenaz et Sépharad. Les Sépharad, ils attendent jusqu'au 34e jour. Oui, certaines communautés, la plupart des communautés, pour tous les coutumes de deuil. Vous voyez qu'on fait, qu'on n'écoute pas de la musique, qu'on ne fait pas ça, etc. Toutes les choses. C'est le jour après l'Akba Omer. Pourquoi on fait l'Akba Omer comment ça s'appelle la joie et la musique et tout. Le 33. C'est ça. Alors, premièrement, il y a beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de communautés qui ont une coutume jusqu'au 33e jour, jusqu'à l'Akba Omer. Beaucoup de communautés ashkénazes, la plupart des communautés ashkénazes, si je me trompe pas, c'est jusqu'au 33e jour de l'Akba Omer. Mais dès que tu dis le 33e jour, il le font le soir. C'est comme le 34e, c'est le lendemain. Non, on le fait le 32 le soir. Ah, le 32 le soir. C'est ça, le soir, c'est déjà le 33. Ah, je pensais que c'est le jour où on commence. La vraie fête et la fête qui vend l'Akba Omer, etc. Si vous allez à Meron, à Tzfat, ça se passe la plupart pendant la journée. Ça veut dire qu'ils viennent là-bas la plus. Ici. Shalom. La plupart des communautés, c'est jusqu'au 33e jour. Mais il y a certaines communautés séfarades, c'est jusqu'au 34e jour. Maintenant, tout le monde célèbre le 33e jour de l'Akba Omer. Jusqu'on ne se confond pas, les choses n'ont rien à voir un avec l'autre. La jour de qu'on fête, la Iloula de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer, etc., ça n'a rien à voir avec Rabbi Akiva. Rien à voir, du tout. Les jours de deuil, les coutumes de deuil qu'on fait aussi, ça n'a rien à voir avec Sfirat HaOmer qu'on compte, parce que c'est une mitzvah séparée, ça n'a rien à voir. Juste mettre les choses en place. Tous les coutumes viennent de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Alors la semaine passée, on avait demandé une question. Comment est-ce que ça se fait que 24 000 élèves sont morts dans une période comme ça, de 33 jours? C'était quoi leur péché? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Tellement de mal pour avoir été punis de cette façon. Alors la Gemara, elle rapporte que l'onagou kavod zebazé, ils se sont pas respectés un à l'autre. Ils n'avaient pas respect. Et puisqu'ils se sont pas respectés, et ils étaient punis de cette façon. Maintenant, les commentaires demandent, les élèves de Rabbi Akiva, comment on peut les accuser, on peut les soupçonner pour ne pas avoir un respect un envers l'autre? De cette manière que jusqu'au point qu'ils vont mourir à cause de ça. Ça n'a pas de sens. On sait très bien que les élèves de Rabbi Akiva, c'était un grand sadique, on est tous d'accord. Ses élèves, c'était certainement des très très grands élèves, c'était des grands amis. Comment est-ce qu'ils sont descendus à un niveau tellement bas? Comment est-ce que c'est possible? Spécialement quand on sait très bien, c'est qui nous a appris dans la Gemara, Rabbi Akiva lui-même, il dit une très grande loi générale qui contourne toute la Torah, c'est Ba'avtal Racha Kamocha, c'est d'aimer son prochain. Alors comment est-ce que ses élèves, Les élèves du même enseignant qui lui dit Va'aftar Rakamacha, c'est eux-mêmes qui font le péché. Alors, on avait expliqué la semaine passée que c'est justement cette raison. Chacun des élèves de Rabbi Akiva, imaginez-vous des élèves, que chacun des élèves aime passionnément son rabbin. Ce rabbin, ce Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le grand rabbin de cette génération. Chacun des élèves aime Rabbi Akiva de façon terrible, de façon passionnée complètement. Mais chacun des étudiants comprend Rabbi Akiva de façon très différente. Parce qu'on sait très bien, le Rambam il dit que Shem Shem Partsoufem Domot, Moken En Daotov Shavot. Les visages de chaque personne sont différents un de l'autre. Chacun de nous ne se ressent pas identiquement. Oui. Alors, comme on sait que dans le visage de chaque personne. Comme on sait que le visage de chaque personne est différent. Réponse. On retourne à la réponse. Alors, puisque chaque personne a des différentes compréhensions de son maître, chaque personne veut convaincre son prochain que lui, il a compris le rabbin et il a compris Rabbi Akiva de la façon la plus efficace, la meilleure façon de comprendre. Et il veut convaincre son ami en lui disant, écoute, tu es très bien, tu es un bon garçon, mais tu n'as pas compris Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il veut expliquer d'une autre manière. Mais ça leur suffit pas. Parce qu'ils s'aiment tellement ces élèves-là. Parce que, encore, on dit que c'est les élèves de Rabbi Akiva. Alors certainement, ils ont pratiqué la halakha de Va'aftal et Re'acha Kamocha. Alors, ils s'aiment tellement passionnément un de l'autre qu'ils veulent influencer un sur l'autre pour que l'autre accepte son interprétation des enseignements de Rabbi Akiva. Et quand son ami lui dit non, je comprends Rabbi Akiva de cette manière, il n'arrive pas à apprécier son ami. Il n'arrive pas à apprécier parce qu'il a une grande passion envers son rabbin. Et c'est comme ça qu'on explique. C'est parce qu'ils étaient les étudiants de Rabbi Akiva, parce qu'ils avaient une passion de Avat Israël. Ils voulaient convaincre un à l'autre de leur façon d'apprendre Rabbi Akiva. On sait très bien qu'on peut trouver plusieurs exemples. Que quand le Arizal, par exemple, il est décédé, alors il avait plusieurs étudiants. Il y avait des étudiants qui ne voulaient pas dire Arizal. Vous savez, Arizal, c'est les rachets et votes de quoi? A Eloki, oui, Rabbi Yitzhak, Zichrono Levracha. Rabbi Yitzhak Luria, il s'appelait. A Eloki, Rabbi Yitzhak, Zal, Zichrono Levracha. Il y a certains élèves qui ne voulaient jamais dire le mot Zal. Ils ne voulaient jamais dire le mot. Ils appelaient Ari Achai. Ari en hébreu, ça veut dire aussi un lion. Alors on l'appelait le lion qui est vivant. Il ne voulait pas accepter que le rabbin il soit décédé. Alors il y avait toujours des confrontations entre les élèves eux-mêmes de la façon qu'eux ils ont compris la neshama du Arizal par exemple. Et ils ne pouvaient pas, même pas se supporter tellement qu'ils avaient une passion envers leur rabbin. Mais maintenant, est-ce que ça explique toujours? Vous avez compris le message ici? C'est spécifiquement la raison de Avat Israël qu'ils avaient et la raison pourquoi ils ne pouvaient pas se respecter. C'est parce qu'ils avaient une passion envers Rabbi Akiva. Et cette passion les a poussés à essayer de convaincre leurs amis qu'ils acceptent leur opinion selon Rabbi Akiva. Mais non, on a toujours une très grande question. C'est pour ça qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'ils sont morts. Exactement. Ça ne fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Comment est-ce que 24 000 élèves, c'est pas 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 24 000 élèves parce qu'ils n'avaient pas un petit peu d'Avat Israël, parce qu'ils ne se s'entendaient pas la façon d'apprendre de Rabbi Akiva. C'est pour ça, ça c'est la punition de la mort. Ça fait pas de sens. Alors comment on fait de sens un petit peu de cette histoire? Alors Gemara raconte comme ça. Il y a une histoire dans Maseret Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, qui rapporte une histoire de plusieurs Talmidei Chachamim qui devaient se joindre dans une ville. Et ils devaient s'asseoir, étudier tous ensemble et parler de certaines halakhot, etc. La Gemara, elle rapporte là-bas qu'il y avait 24 chariots, comme ça elle raconte, « Esrim ve'arba kronot shel chachamim it asfu be'ir plonit » 24 chariots de Talmidei Chachamim se sont joints dans une ville tant et tant. Et la Gemara, elle dit qu'ils ont tous morts. On raconte qu'ils sont tous morts. Pourquoi? Alors, la Gemara, elle explique là-bas parce que ils sont arrivés à une certaine quantité de personnes qui avaient un Aïnara sur eux. Ils sont arrivés, le Zohar, il explique, je ne vais pas rentrer dans les détails du Zohar, mais le Zohar, il explique que le numéro 24, oui, le 24, il a un symbole de Touma. Hein? D'impureté. Et à cause du Aïnara qu'ils avaient sur ces 24 chariots de Talmid Ramim, il y avait l'Aïnara et ils sont pas sortis de cette ville. Hein? Alors, exactement. Alors, les commentaires, ils expliquent. C'est pourquoi. Hein? Pourquoi faire des affaires à 24 alors? Il ne faut rien vendre à 24 000 $. Non. Le 24, il ne faut pas vendre. Selon le Zohar, le numéro 24, c'est pas un numéro, c'est un numéro qui a Aïnara Cholet et Dbo. Il y a le Aïnara qui peut avoir sur ce numéro. Si alors, les commentaires, ils expliquent, c'est pour ça. Le 24, lui. Le. Oui. Ça n'a rien à faire avec ça. Non, ça n'a rien à faire avec ça. C'est pas nécessairement que à chaque numéro 24, on devrait avoir peur. Et si vous avez une maison sur 24 clives, je ne sais pas si ça existe. Quand je vends du chinois, je fais la facture par un 8, oui, ou par un 9, je ne veux pas. Elle veut toujours un 7, ou que je lui donne un prix, pour toujours un 7 à la fin. Alors, si c'est 24 000 $, vous lui dites 27 000 $, c'est pas de problème. On peut toujours avancer. Alors les commentaires, ils expliquent. C'est pour ça la raison que les étudiants de Rabbi Akiva, ils sont morts. Parce ils sont arrivés à une quantité tellement grande. Imaginez-vous, Rabbi Akiva, 24 000 étudiants. Ces 24 000 étudiants, ils avaient des étudiants eux-mêmes. C'est pas juste des étudiants. Et ces étudiants, ils avaient des étudiants. Alors, il y avait un tellement Aïnara sur Rabbi Akiva, c'est comme ça le Rabbi l'explique. Il y avait un Aïnara sur les élèves de Rabbi Akiva, et c'était ça la cause qui l'a ramené à leur mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est très intéressant. Ça veut dire, hein? Il existe l'Aïnara. Oui, bien sûr. C'est la première fois que ça existe, l'Aïnara. C'est certainement, c'est rapporté dans les Gemarot. La Gemara, elle en parle plusieurs fois. Maintenant, si on fait l'Aïnara comme une religion, il ne faut pas non plus trop donner d'importance. Parce que si on donne une importance trop à l'Aïnara, alors, Chas v'Shalom, ça va nous influencer, ça influence, etc. Il y a des rabbins qui écrivent des choses au goyim. Qu'ils écrivent des choses au goyim? Oui, des choses de la magie. Des rabbins, qui prennent la Gemara, les filles, et font des choses. Pour les goyim? Vous dites pour les juifs, non? Pour les goyim. Comment ils font? Pour les insulter jusqu'à maintenant au Maroc. Vous voulez dire que pour que quoi? Ils disent, par exemple, tu sais, ma femme, elle veut partir avec quelqu'un d'autre, elle se fait quelque chose pour qu'elle revienne. Ou je veux marier cette fille, il lui fait quelque chose, et tu vas la mettre, tu vas aller au bain à 2h du matin, tu te trempes dans la mer, mais, tu te trempes et tu jettes quelque chose comme ça. Mais pourquoi juste avec les goyim? Qu'est-ce que c'est pas avec les juifs? Mais il le donne à un juif, vous voulez dire? Il le donne à un juif. Le rabbin, il le donne à qui? Avec l'œil des juifs, ça veut dire une arabe ne va pas tenir. Ça veut dire que. Ça va tenir avec un juif, ça veut dire avec un arabe, mais pas avec un juif. C'est-à-dire la hachpa, c'est-à-dire si maintenant lui et sa femme ne veut pas avec quelqu'un d'autre, il va voir le rabbin parce que cette aïnara qu'il a dans son couple, elle ne marche pas sur le rabbin. Ah, les arabes, ils allaient chez le rabbin. Il prend des écritures. On est c'est des rabbins. Deux juifs ont ouvert deux synagogues. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le juif faisait la magie pour les goyim là-bas. Qui, ce juif-là? Ce juif, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Tu peux le voir sur YouTube. Witchcraft. C'est vrai. Tu peux le voir. Fais juif avant. Et vous allez voir. Et tu vas voir. Très intéressant. Ils se disputaient. Lui, il habite en haut, l'autre habite en bas. Ils se disputaient en haut. Tu m'as pris mon sefer. Non, rends-moi mon sefer. Tu vas voir. Ils se disputaient. Très intéressant. Ce qui est très intéressant de cette histoire, c'est que comment on voit la façon que des fois Hachem il juge le monde. Oui, il y a un message très profond ici. C'est-à-dire même que. On voit que chez Akash Borou, c'est très. Akash Borou, des fois, même que ça peut être que c'est un péché, Chas V'Shalom, quand on voit le péché des étudiants de Rabbi Akiva, c'était considérablement un péché très léger, considérablement à la punition. Alors, on voit d'ici que même des fois que ça peut être quelque chose de très très léger concernant, quand il y a Chas V'Shalom, une autre chose qui cause. Le péché, comme le Aïnara, ça peut amener à des choses très très terribles. Moi je dois partir. Ah oui, tu as Marie là. J'ai un truc. Oui. Moi j'ai entendu que je dis que moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui. Mais ils disent que quand un rabbin fait un péché, il est plus puni que si c'est moi qui ne suis pas religieux qui ai fait le même péché. 100%. Donc peut-être c'est pour ça que les enfants de les élèves de Akiva, exactement, leur punition était mille fois, exactement, plus grande que si c'était Khazak. Très bien. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça le message. On voit très bien. Allez-y. Voilà. Une autre question par rapport à ça. Oui. Ça, c'est arrivé, c'est la première fois dans l'histoire. On n'a jamais vu comme ça. 24 000 d'un coup, dans une période comme ça, oui. La question, c'est est-ce que c'est dû à la grandeur des élèves ou à la grandeur de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui a amené là? C'était quelque chose qui était entre les élèves, pas avec Rabbi Akiva nécessairement. Oui, mais c'est la grandeur de Rabbi Akiva qui a créé cette grandeur des élèves, parce que s'il n'y a pas un grand maître. Certainement. La grandeur des élèves, elle était tellement puissante qu'elle a tiré l'œil sur eux, plus que la faute entre guillemets de Rabbi Akiva, on pourrait dire. Mais Rabbi Akiva lui-même, il n'a pas fait un péché. Rabbi Akiva, il a fait des étudiants tellement grands, mais c'était pas quelque chose que lui-même il avait fait. Ça veut dire, il y a deux choses qui ont causé la mort des élèves de Rabbi Akiva. C'est pas juste une chose. Il y avait le Aïnara, oui, mais le Aïnara est plus leur faute, plus qu'ils ont voté. C'est ça ce qui a amené leur mort. Ce que je voulais dire, c'est que il y a une halakha par exemple qui dit qu'il y a certaines mitzvot très très considérablement, un chilou Shabbat par exemple, ou des péchés qui sont très légers considérablement. Oui, une personne ne sera pas punie sur un péché comme ça. Mais quand Chas v'Shalom, il y a un décret dans le monde, Chas v'Shalom, il y a la midat agvura, la sévérité qu'il y a dans le monde, Chas v'Shalom, si Hachem il amène un décret, Chas v'Shalom, Hachem il peut punir même sur des choses très légères. Très légère. Vous comprenez l'idée? Ah, monsieur Léon, vous regardez. Ça, il était pas étudié. Non, je comprends pas. Rabbi Akiva, il n'a pas pu arrêter ça. Il était connecté avec le bon Dieu. Il savait tout ça, non? C'était une xéra, c'était un décret. Mais il y a plein de regards, le Rabbi Shlita de New York. Combien des décrets et il arrivait. Il dit, je sais pas. Il y a des décrets qui ne pouvaient pas. Regardez l'Holocauste. C'était un décret. Il y avait des très très grands rabbins. Vous savez combien de rabbins, même en Eretz Israël, combien de rabbins dans le temps, le grand rabbin Sépharad. Pendant le. Non, il n'y avait pas l'État, mais il y avait des juifs qui habitaient. Ah, il y avait des juifs. Oui. Il y avait toujours des juifs en Eretz Israël. Sûr qu'après. Ouais, oui, il n'y avait pas des juifs peut-être à Tel Aviv, mais. Palestine. Techniquement, c'était appelé la Palestine. Si vous trouvez des vieux livres qui étaient imprimés dans les années 30, 40 en Eretz Israël, j'ai un livre, ça s'appelle Palestine, quelque chose comme ça. Dans le temps, c'était Rabbi Oziel, le Rishon Lezion, le grand rabbin Sepharad, et Arav Kook, le rabbin Kook, qui était le Sefer Ashkenaz. Rishon Lezion. Je sais, mais ça veut dire quoi? Rishon Lezion means the chief rabbi Sepharad of Israel. Really? Yeah. C'est comme ça qu'il l'appelle, Rishon Lezion. D'ailleurs, il va arriver la semaine prochaine. Hein? Oh, Spanish. Il va arriver à la Spanish. Le fils de Rabbi Ovadia Yosef. Ah, c'est lui maintenant? C'est lui, oui. C'est Rabbi Yitzhak Yosef. Il va être là, hein? La semaine prochaine, mardi prochain. Vous priez pour les Canadiens. Il va être au match. Il va au match. Si les Canadiens viennent, il va être au match. Et alors, je suis sûr qu'il ne sait même pas c'est quoi du hockey. En tout cas, et alors, pendant la Shoah, en tout cas, pendant la Shoah, c'était des grands tzadikim. Ils ont prié. Ils ont prié. Il y avait des décrets. Même au Maroc, on m'a raconté qu'il faisait du tanyo. Il n'était pas sorti 40 ans. Il a fait un vœu. De quoi Rabbi Moshe Pinto, qui est le petit-fils de Rabbi Hanan. Ouais. Qui est le père de Rabbi David Pinto. Il avait fait un vœu quand il y avait les Allemands. Il a dit, si Hachem sauve les Juifs du Maroc, je ne sors pas 40 ans de ma maison. Il n'est pas sorti 40 ans de chez lui. Il n'est pas sorti 40 ans. 40 ans. Il y a des fois des décrets que... Malheureusement, quand j'aime. Il a une quoi ne pas sortir à faire un truc qui ne sort pas qu'à ça. C'est le verre, je ne sors pas. Mais pourquoi il a dit? Peut-être il devait Pour étudier. Pour ne pas contrôler sur lui. Il prend sur lui quelque chose. Mais quelqu'un, c'est comme si quelqu'un prenait un jeûne sur lui, quelqu'un qui le fait pour le clan d'Israël. Un autre exemple qu'on trouve. Oui, Ashdod. Si tu vas au cimetière d'Ashdod, il a un mausolée énorme à l'entrée, énorme. Alors, il y a qui fait. Mon grand-père, il habitait juste en face. Mon grand-père, il habitait juste en face. On va voir. Non, Ashdod. Oui. Ashdod, juste en face. Ça s'appelle Rehov Rav Maimon. C'est à Ezor Bet. Aujourd'hui, c'est un. En tout cas, c'est juste en face qu'on habitait. Une explication, il avait un visage très spécial, manché. Un autre exemple qu'on trouve de ça, par exemple, on sait très bien, c'est quand des fois c'est deux choses qui causent un décret. On sait très bien que, je vais vous donner un autre exemple. Abraham Avinu, il avait été déjà promis par Dieu que ses enfants vont descendre à Eretz Mitzrayim. Oui, c'était déjà un décret. Le Midrash, il raconte que. Il avait demandé à Abraham, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Est-ce que tu veux la galoute de Mitzrayim, l'exil, ou la punition de Gehenom? Alors il a choisi l'exil. Que ses enfants ne vont pas descendre en Gehenom. Alors Hachem, il y avait déjà un décret que le peuple juif devait descendre en Eretz Mitzrayim. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui a causé la descente du peuple juif en Eretz Israël? Yosef. Yosef Hatzadik. Parce que Yosef a été vendu par ses frères, etc. À cause de lui, ils sont descendus en Israël. Alors on voit que, en vérité, la cause, c'était Yosef. Il y avait déjà un décret. C'est-à-dire que c'est le processus. Oui, oui, ça veut dire, ça nous apprend que quoi? Quand même que Hachem, des fois, il a un décret, Hachem, il dirige le monde de façon très naturelle. C'est-à-dire, Hachem aurait pu faire aussi d'une manière d'un miracle qui met le peuple juif en Eretz Mitzrayim. Ça devait pas venir à travers Yosef. Pourquoi c'est venu à travers le peuple juif lui-même? Le peuple juif aurait pu être prendre par les Égyptiens et les amener à Israël. Il dit non. Que la façon qu'Hachem, des fois, il punit, c'est une façon très naturelle. Même qu'il y avait un décret, ça devait se passer à travers le peuple juif lui-même, à travers Yosef. De la même façon, on trouve, maintenant, d'un bon côté, Avraham Avinu, Hachem lui avait promis un enfant. Oui, Avraham Avinu, Hachem lui a promis qu'il aurait, des enfants, etc., etc. Mais en même temps, il a attendu que Avraham Avinu il fasse certains mitzvot pour qu'il lui donne cette bracha. Pourquoi il devait attendre? Encore parce que Hachem veut diriger. Rabbi Onissim dit que Hachem ne fait pas des miracles pour aucune raison. Pourquoi? Parce que Hachem il admire beaucoup la nature. La nature qu'il a créée, c'est-à-dire qu'il y a une loi de nature que Hachem il veut que tout le monde suit, incluant lui-même. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, il ne va pas faire juste des miracles pour rien. Alors chaque miracle qu'Hachem il fait au peuple juif, il y a une certaine raison et Hachem ne le fait pas pour ça, pour juste comme ça. C'est-à-dire le mérite aussi. Ça, exactement. Alors le mérite de la personne, ça veut dire qu'Avraham Avinu, en d'autres mots, devait faire une certaine mitzvah quand même pour qu'il reçoive la bracha d'avoir un enfant. Même que Hachem lui avait promis bien avant. On avait parlé peut-être d'un... Je vais donner un autre exemple. Le Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, il avait écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'était un livre qui a été écrit par le Beit Yosef, qu'il y avait un ange qui venait le visiter. Il l'a appelé le Magid. Ce Magid-là, c'était un ange qui venait le visiter chaque soir et il lui disait quoi écrire. Et il écrivait tout ce que l'ange lui disait. Ce livre-là, on a jusqu'à aujourd'hui, c'est un livre très kabbalistique que le Beit Yosef il avait écrit. Une des questions que le Beit Yosef lui demande là-bas, c'est pourquoi est-ce que la Neshama est venue dans ce monde? Si la Neshama, avant qu'elle ait descendu dans ce monde, elle se trouvait, oui, dans les... Elle se trouvait avec Hachem, elle se trouvait à Gan Eden. Pourquoi elle avait besoin de descendre ici dans ce monde? Si de toute façon elle va descendre, elle va remonter, où est-ce qu'elle va remonter après avoir vécu 120 ans? Elle va remonter à Gan Eden. Vous voyez, un juif, il va faire 3 mitzvot, etc. Elle va remonter à Gan Eden. Pourquoi elle a besoin de descendre? Elle était déjà là-bas. Et de plus, Hachem la met dans une situation de danger. Parce que Chas v'Shalom, elle ne va pas remonter à Gan Eden. Elle va pécher, etc. Il faudra qu'elle passe un processus de Gehenom, etc. pour arriver à Gan Eden après. Pourquoi on a besoin de tout ça? C'est quoi le but? Alors, une des réponses que le Maguid lui dit, c'est très simplement Nahama Dersoufa. Hein? Pas de honte. Très bien. Pas de honte, ça veut dire que Hachem a créé le monde d'une façon qu'il veut faire de la bonté avec ses créatures, avec nous, oui, avec le peuple juif. Et puisqu'il veut faire, quelque chose de bon, alors il sait très bien que si on donne quelque chose de gratuit à quelqu'un, il se sent comme on lui a donné quelque chose gratuitement. Ça s'appelle du pain de honte, Naham Adersoufa. Mais il sait très bien que si une personne va travailler, oui, pour ce qu'il avait fait, il va le mériter. Et c'est la même question. Hein? Il aura une grande valeur. Et une question très semblable que le rabbi l'avait demandé concernant toute cette histoire. C'est le Chotabrit aussi. Hein? Le Chotabrit, pourquoi il y avait deux? C'était une des raisons. les premières, c'était la Kadosh Baruch Hu qui nous avait donné à Moshe. Et les autres, c'était le Bnei Israël. Très bien. Chazak. Non, parce que le Rabbi demande une question très semblable. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner une abondance à tout le monde, oui. Tout le monde peut être riche, tout le monde peut avoir tout. Pourquoi est-ce que Hachem, il peut pas juste lui donner. Quelqu'un a besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu donne-lui. Comme la grande question que Targios, il avait demandé à Rabbi Akiva. Il lui a dit, si Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres. Oui, on sait très bien que la Torah s'écrit Akadosh Baruch Hu ohev aniim. Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres. Alors lui dit, alors qu'il leur donne à manger. Il les aime pauvres. Il a dit, Akadosh Baruch Hu ohev aniim. Qu'il leur donne à manger. Très simplement. Alors, c'est un peu plus se basant sur cette explication que le Rabbi explique la même idée, comme le Beit Yosef. Il dit que Hachem, il aurait pu donner à tout le monde tout gratuitement, mais c'est très bien qu'une personne, quand elle reçoit quelque chose gratuitement, elle juste en lui donne, elle ne se sent pas satisfait non plus de son travail. Alors que Hachem, il veut faire une certaine bonté avec la personne pour qu'il puisse travailler pour recevoir. C'est une nature, une personne. Si vous faites rentrer quelqu'un chez vous à la maison et vous lui donnez tout, à bout de temps, il se sent gêné parce qu'il reçoit tout de vous. On lui donne ça, tu veux manger, tiens, tu veux ça, tiens. À force de monnaie, il se sent inutile comme personne. Alors Hachem, il sait très bien que c'est la nature de la personne. Alors il demande à la personne de travailler pour qu'il puisse mériter, pour qu'il puisse avoir un mérite pour ce qu'il reçoit. Et c'est pour cela, même que la Neshama, c'est ça la réponse que le Maggid disait au Beit Yosef, c'est pour ça que quand la Neshama, elle va retourner, oui, elle va retourner à la même place peut-être, ou peut-être à un niveau plus haut, mais quand elle va retourner, elle va avoir le mérite, et le mérite de, elle a travaillé pour ce qu'elle a trouvé, pour ce qu'elle a mérité. Le Gan Eden qu'elle a reçu après, ça va être avec à cause de son travail dans ce monde, et pas parce qu'elle avait reçu gratuitement. Dans la paracha, on parle de Ona'a Dvarim. Ona'a, c'est abus. Abuser. On n'a pas le droit d'abuser personne, verbalement. Oui, on n'a pas le droit de l'abuser physiquement, certainement pas. Il y a une halakha très intéressante qui parle d'un abus avec une femme. Abusé. On a advarim. Alors quand on parle de abus, je veux juste parler très généralement. Dans la halakha, ça ne veut pas dire battre quelqu'un. Abus, ça peut être même très verbalement. Bon, c'est verbal abuse, oui. Abus verbal. Ça peut être des fois plus pire. Oui. Mais même les choses qui... Ils disent des fois verbal abuse is worse than physical abuse. Ouais, c'est ça exactement que j'ai dit. Ça peut être très pire. Beaucoup plus pire. La Gemara, elle rapporte que une personne doit faire très attention avec sa femme. Ona'a, ça s'appelle. Ona'a, c'est... S'il lui dit quelque chose qui l'a fait pleurer, la Gemara, elle dit, elle rapporte que si une femme, elle a une larme dans les yeux, ça peut amener beaucoup, chazu shalom, beaucoup de choses mauvaises sur la personne. Lama, dima'ata metsuya, la Gemara, elle dit. Parce qu'une femme, elle pleure très très facilement. Mm-hmm. Oui. Et quand elle pleure. Oui. Alors, si elle casse un homme. Si elle casse un homme. Mais elle breaks an elle. Oui. Mais c'est différent quand quelqu'un lui a cassé l'angle. Ah, oui. Maintenant, tu as entendu aujourd'hui la radio, Shalom. Oui, quoi. Les secrétaires, quand tu as là-bas qui a pris de l'argent pour faire des vols, femme. Non, ça est dans. Ce qui est arrivé, non, ils ont donné l'explication. C'est quoi l'histoire? Ils ont donné l'explication. Non, j'ai pas entendu. C'est quoi Grand Paris. Pratique maintenant, comment on fait dans un cas comme ça? Il y a un din qui s'appelle une femme qui est Messarevet. Messarevet, une femme qui ne veut pas accepter un guet. Alors, on lui envoie un guet signé par la poste. Même si le din. Hein? Comme un huissier. C'est ça. Même si la halakha, elle dit. que ça, Nathan Beyada, ça doit venir à sa main. Mais si elle a une dîme d'une Messarevet, qu'elle refuse d'accepter un guet, même si elle reçoit par la poste, on lui donne une permission de se marier avec une autre femme, avec ce guet. Bon, ça c'est un cas très très spécial, c'est pas dans des cas comme ça, mais c'est indigne d'une femme qui aimait sa règle. On va finir avec une histoire. Est-ce qu'on a du temps ou c'est fini? Ok, une petite histoire. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas. Il y a Chicago. Il y a Chicago. Non, ils ont joué hier. Non, Chicago, New York, ils sont en train de jouer. Mais non. Alors je veux pas. Non. Ils ont perdu Chicago. Je veux pas. Alors, je vais raconter une petite histoire puisqu'on a parlé de on a hâte, Ishto. C'est très, très, très. Il faut faire très attention à ne pas faire pleurer les femmes à la maison. Ah oui, c'est vrai. Oui, on retourne à ce point. On a parlé de ça, ça a passé à un guet. Je ne sais pas comment. Ouais, je sais pas. Parce que dès qu'elle pleure, elle veut un guet. Lui, il veut lui donner, il n'y a pas de problème. Dans ce temps-là. Très intéressant. Il y a une histoire d'un certain rabbin qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach. Comme ça, on l'appelait. Ce Rabbi Avraham, c'était un très grand. Pourquoi on l'appelait Amalach, l'ange? C'était une personne qui. C'était comme un ange. Il était dans ce monde, mais il était. Il n'était pas dans ce monde, quoi. Il étudiait toute la journée au Beit Midrash. La journée de sa choupa, il a oublié qu'il se mariait. On devait aller au Beit Midrash pour lui dire c'est le mariage. Vraiment un gars qui est dans les nuages un petit peu. Il était enchanté, ça. Oui, c'est ça. Et il s'est marié très très jeune, comme dans ces temps-là. Là, sa femme, elle avait 15 ans, peut-être, il avait 16 ans, 17 ans. Ils sont mariés. Bon, bref, cette femme n'avait jamais de mari. Parce que, comme on avait. Après qu'il s'est marié, il n'a pas arrêté de partir au Beit Midrash. Il a continué avec sa coutume et il priait, il étudiait toute la journée au Beit Midrash. Il rentrait à la maison très très tard, il sortait de la maison très très tard. Donc il accomplissait pas les quatre tâches. Ah, ouais. C'est ça que j'ai dit. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai dit. C'était un gars qui était. Ici, mais pas ici. C'était une personne très très sainte. Ça, c'est une autre chose. Oh, c'est... Bon, on sait très bien avec Ben Azaï, c'était un grand rave qui était un Tana qui était dans la Mishnah, qui a dit qu'il ne s'est jamais marié parce qu'il avait tellement d'envie dans la Torah qu'il avait pas, il n'arrivait pas à avoir une envie pour même une femme. Nathan Ben Oziel. Il ne s'est jamais marié. Il y avait Ben Azaï et Nathan Ben Oziel. Bref, eux, ils ne se sont jamais mariés parce qu'on lui a demandé aussi pourquoi tu es marié. Chashka Libi Batorah. Il avait tellement un amour à la Torah, il ne pouvait pas se séparer de l'étude. Alors, ce Rabbi Avraham, un petit peu la même histoire. Il rentrait, même Shabbat, il rentrait très tard à la maison, il faisait un kidouche. C'est très bien. Hein? Pire, beaucoup plus pire. Chose. Écoutez, c'était une personne très très spéciale, il a écrit des livres de Kabbalah, etc. C'est pas une personne régulière. Okay. En tout cas, une fois, sa femme, elle en avait marre et lui a demandé de rentrer pour la fête. C'était la fête de Sukkot et elle voulait qu'il soit à la maison un petit peu. Il y avait déjà plusieurs enfants. Et elle a envoyé quelqu'un au Beit Midrash et ce messager est venu avec les mains vides. Il lui a dit qu'il va, il vient pas aussi. Il va pas venir maintenant. Elle était... quand même très fâché, elle ne savait pas quoi faire. Elle est partie chez son père, chez ce Rabbi Avraham. Et elle avait demandé à son père de lui demander de rentrer à la maison. On veut fêter, comme tout le monde. Son père envoyait quelqu'un à son nom, cette fois. Son père aussi, c'était un très grand rave. Et il a refusé, encore. Et il ne rentre pas. Et comme ça, toute l'histoire a été finie. Elle était très, très triste, la femme. Elle a pleuré, etc. Plusieurs années plus tard, ce Rabbi Avraham est décédé. Il est décédé assez jeune. Amalach. Ce Rabbi Avraham Amalach est décédé. Et une des nuits, après, pendant les 7 jours de la Shiva, il vient visiter sa femme. La première fois qu'il vient la voir. Dans un rêve, oui. Et elle rêve de lui. Parce il est mort. Il est mort, oui. Il est mort. Excusez-moi, j'ai oublié que c'est un. Il est décédé. Et il est venu dans un rêve. Ok. Et dans le rêve, elle lui demande qu'est-ce qu'il veut d'elle. Et il lui dit qu'il a un petit problème. Elle lui dit, oui, c'est quoi le problème? Il lui dit, il faut que tu m'aides, etc. Donc elle commence, elle était très bouleversée dans le rêve, etc. Elle pleure. Et il lui dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Tu es mort, etc. Mm-hmm. Il lui dit, je suis ici à l'entrée de Gan Eden. Et on ne me laisse pas rentrer. Mm-hmm. Tu as la porte de Gan Eden. Oui. Et on m'empêche de rentrer. Oui. Elle a commencé à pleurer. Elle était quand même... C'était son mari à la fin de la journée. Mm-hmm. Oui, elle savait très bien que son mari, c'était un grand sadique, etc. Mm-hmm. Et il lui dit... Elle commence à pleurer, etc. Il lui dit... Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il lui dit, il faut que tu me pardonnes pour toutes les choses que j'ai faites. Sinon, je ne peux pas rentrer. Évidemment, elle était très, très émotionnelle, elle pleurait, etc. Et il lui a dit, ok, je te pardonne. Il lui dit, non, il faut vraiment, tu comprends pas le monde où je me trouve, je ne peux pas t'expliquer, c'est pas... Il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur, pas juste je te pardonne, il faut que tu fasses, tu vois, etc. Jusqu'à, il n'a pas lâché, jusqu'à que... Vraiment, elle lui a pardonné 100%. Avant que ce rêve finisse, elle raconte que il lui dit une autre chose, j'ai besoin de toi. Il lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, mais c'est une chose beaucoup plus pire que la première chose. Il lui dit, ok, c'est quoi? Il dit, pour ma propre neshama, tu ne veux plus jamais te remarier. Sinon, ma neshama, elle va être vraiment... Je ne peux pas l'expliquer encore. Il lui dit, tu ne comprendrais pas. C'est des choses dans un autre monde. C'est pas... Je ne peux pas l'expliquer, mais est-ce que tu peux me promettre de ne jamais te remarier? Parce que ma neshama, etc., elle est bourse. Elle avait 26 ans. Elle s'est mariée quand elle avait 15 ans. Elle était pas, c'est pas une femme vieille, 26 ans. Et bon, évidemment, elle a encore à pleurer émotionnellement, etc. Et il lui a dit que si elle va garder cette promesse, elle aura des très, très, des enfants, des très grands sadikim. Ces enfants, ça veut dire qu'ils avaient des enfants avec elle. On avait plusieurs enfants avec elle. Ah, donc il a consumé le mariage. Oui, oui, il avait des enfants, on avait dit qu'il avait plusieurs, il avait même plusieurs enfants avec elle. Mais c'était un homme dans les nuages, quoi. Alors, je vais vous dire une autre chose, très très court après. Et elle lui avait promis de ne plus jamais se marier, et il a remercié. C'est une vraie histoire, cette femme, elle s'appelait la veuve, je ne me rappelle pas de l'or. C'est la fille de Mirakiva. Non. Non, il y a une histoire très semblable avec la fille de Rabbi Akiva. Mais cette veuve, elle a été très connue. Je ne me rappelle pas le nom de la ville, mais on l'appelait la veuve de Montréal, je ne sais pas quoi. Mais elle était très très connue, qu'elle est restée une veuve pendant toute sa vie. Jusqu'au point, d'ailleurs, on parlait d'un tzadik, un Tamid Racham. Il y a un dîme dans le Shulchan Aruch qui dit qu'un Tamid Racham, il y a un dîme qu'avant qu'une personne se marie avec une femme, il a le droit d'aller la voir. Et il y a une mitzvah même avant de se marier, de voir avec qui il va se marier, c'est pas une surprise là. Et il dit, mais un Talmid Racham, il y a une Gemara qui dit, un Talmid Racham, il devrait pas aller la voir. C'est ça. C'est que physiquement, ça va. Non, si c'est des choses physiques après, ça peut être mekarta ou. En tout cas, il peut décider de ne pas la marier après. Mais. Attends, Raham, il dit qu'il ne devrait pas. J'ai juste pour donner un petit peu un exemple. Raham, il ne peut pas l'avoir. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit Raham, ou l'oragil imanashim. Il n'a pas l'habitude d'être autour des femmes. Oui? On ne parle pas d'un Tamir Raham, c'est un comme ça. On parle d'un malach. Oui, il n'a pas l'habitude d'être autour de femmes. Puisqu'il n'a pas l'habitude d'être autour de femmes, il peut se tromper de femmes. Ça ne va rien changer s'il va la voir avant, s'il va après, ça va rien changer, il va se tromper. En tout cas. Ça c'est le gars, genre le malach, ce sadique là, il n'était pas dans ce monde.